Une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Marine Monster. Passez une bonne soirée, bienvenue à un nouveau Planète Rap avec messieurs Benji et Yann Slow du Nine. Bonsoir à tous. Les Marine Monster, comment ça va messieurs? Ça va bien et toi? Et ben voilà, premier Planète Rap avec vous. Exactement. Même si vous étiez passé, évidemment, vous avez entendu. On a pas mal squatté, ouais. C'est vrai. Vous avez pas mal squatté, on a connu aussi le morceau avec Gims pour commencer. D'ailleurs, on va débuter avec lui dans quelques minutes. Ça. Mais là, c'est quand même à vous. Cette semaine est à vous. Ouais. C'est votre premier Planète Rap avec un album qui arrive la semaine prochaine. Hein. On est à quoi, 7 jours de la sortie? J-7 là. J-7, alors commençons à J-7 avant la sortie, messieurs. Moi j'ai la pêche, hein. Pressé là. Depuis qu'on prépare. Il y a un peu de stress quand même. Ah, il y en a des deux qui est plus stressé que l'autre. Ouais, mais ça se trouve, je suis stressé, mais je le montre pas. On va revenir aussi sur votre histoire aussi, comment l'histoire des Marine Monster a débuté. Vous allez pouvoir nous en parler dans quelques minutes. C'est ça. Et le mieux pour faire connaissance avec vous, on a préparé un petit medley. Okay. De l'ensemble de l'album qui sort dans une semaine. Yes. Pour avoir un petit avant-goût de ce que vous allez retrouver sur l'album dans les bacs dès lundi, ça donne ça. Je crois avoir rempli toutes mes obligations envers cette légende du monstre marin. L'équipe enquête sur un monstre marin gigantesque. Si nous descendions au fond des mers, nous serions surpris de voir les créatures qui hantent ces lieux. C'est le lieu. Est-ce que t'entends, mec? Le 3 novembre dans les bacs. Du mal à vivre. Content qui fausse d'air. Mais moi-même étions sûrs de donner la chasse à une sorte de monstre marin. C'est vrai que les gens se testent, mais qu'est-ce que tu me testes? Face au refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. Je suis des gens. Tu lâches un peu tes poids comme si t'es prêt à tout pour eux. Tu ressens la même chose pour une femme. Je crois bien que t'es amoureux. Le 3 novembre dans les bains. Marine Monster en Panamera, le hashtag. Je veux m'en aller avant de tomber dans les flammes. Je veux m'en aller avant le dernier grain de sable. J'ai trop envie de plaisanter. Je vois que t'as un peu de mal à me cerner. La première fois qu'on m'a présenté, t'as pas. Oui, tu t'es senti perdu. Planète rap. Mais you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. Les jeunes de et à l'heure où je te parle, l'album va être fou. Dans un autre pays, je vais vous raconter ma life. En commençant par faire du sale. Planet Rap, Planet Rap. 9, 3, 7, 5, rien, c'est pas Dallas. Si t'as un gros balade, des petits rêves de 10 000. On t'allume ta race comme les balas. On part pas dîner, dîner. Ce son, il s'appelle Dallas. J'allume la mer. Je veux pas aussi vite. Goussin Gold. Money. Price them niggas. Déterminé comme Walt. Y'a la TV. Vali. Que le début arrive. Que je gratte mes textes à mes X-Gang. One of my soldiers. Two states, one of my soldiers. En featuring. 9ème zone, gros signor. Comme la Lide. Planet Rap. Je suis devant les choses. Dans le ciel, je l'ai vu. J'arrive des silences. Se mettre en pause en sauce. Pourtant rien que je l'ai vu. Voilà un petit aperçu de cet album qui sort. C'était très cool. C'était bien, non? C'était énervé, gros. Ça vous a plu, c'est vos morceaux en même temps. Exactement. Voilà, c'est les morceaux de Marine Monster qu'on va découvrir toute la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. Un petit point, j'ai envie de dire, un petit CV express pour ceux qui vont vous découvrir aussi, l'histoire du groupe Marine Monster. Alors l'histoire du groupe Marine Monster, moi et Bejik, Yann Flo, Bejik, on s'est rencontrés il y a maintenant 4 ans, 5 ans. Ouais. On traînait dans le même quartier, Paris Centre. Paris Centre, ouais, dans le 9e arrondissement. Donc chacun rappait de son côté aussi. Exactement. Il y a tout de suite, depuis notre rencontre, il y a tout de suite le feeling. Entre nous deux, on a commencé à pas mal bosser ensemble. Automatiquement, ça s'est fait très très naturellement. Et aujourd'hui, voilà, il y a même pas un an, on a signé le label Monstre Marin Corporation de Maître Gims. Maître Gims. On a décidé de fusionner au dernier moment et tout bon, simplement. En même temps, c'est vrai que l'histoire de Gims et de la section d'assaut, c'est un petit peu votre histoire parce que vous êtes les plus petits. Ouais, voilà, non, on est les plus petits, exactement. Qui les voyait rapper, donc je suppose avec toute cette équipe. Voilà. Ah ouais. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans le morceau sur le square ouais, c'est ça. Dans le 9e arrondissement de Paris. Ouais, c'est ça, tout simplement. Donc voilà, vous les avez vus rapper, vous avez dit tiens. On les a vus rapper aussi, il y a aussi l'Institut, tu vois, qui était. Oui, l'Institut aussi. Ouais. Nous, on est la deuxième génération en fait, qui arrive juste après l'Institut en fait. Exactement. Et puis, ils nous ont éduqués pas mal à la musique. Exactement. Je veux dire, et voilà. C'était une belle motivation en même temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc maintenant, c'est à vous. C'est votre tour. Aujourd'hui, c'est notre tour. C'est votre tour. On est là, Skyrock. Pour Marine Monster. Très bel aboutissement pour nous. Exactement. D'avoir un planète rap. Eh bah, bienvenue à vous. On va profiter. Envoyez les messages avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Tout ce que vous avez envoyé, on va tout voir. La sortie du projet, c'est donc le 3 novembre. C'est lundi prochain. C'est à découvrir cette semaine. Et on débute avec ce morceau pour commencer. Exactement. Yes, allez, c'est parti, Gims. Ouh, Driss Richard. TFC. Ah. Make you what I know tonight. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser. Nous PV, tu te rappelles? Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you what I know tonight. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste voilà, plus le time. Voilà, t'inquiète pas, ça arrive. Doucement. Voici le BDO. Mais you what I know, Young Slow du nananana. On va commencer par faire du sale. Est-ce que t'as déjà vu 10 ans pour de la farine canne? Et les filles, les flics, les fanatiques de Paris canne. 9e dans ses 9, on arrive en balle. Fixe ma bique dans un Sharingan. J'arrive en balle, c'est all time, vas-y taille frère. 9e zone, que des gaps sales, que des bails frais. J'ai la dalle, j'ai tout braille, oui, ça va le faire. J'ai la technique, ma beauté nique, j'ai la frite, là où y'a pas de tempère. Ça où ça casse la coque et des flingues dans des packs qu'on perd. C'est un hold up, oui, vous êtes mort depuis. Contre Marin Corporation, aka Black Panther. Hello, si je tape, que des cas aussi je tape. T'es mort dans le film, comme un déclin entouré de ses stars. Plus le temps, faut qu'on se casse trop vite, tu constates qu'un slow. Mais you wanna know, bah la qu'on se casse. Mais you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Mais you wanna know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste les gars plus du le neuf. Time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Châtillon. Il y a la tif à la prod, il y a la tif à la prod, il y a la tif à la prod, il y a la tif à la prod, il y a la tif à la prod, il y a la tif à la prod. Yo miss, I'm sorry, c'est ton cœur, je l'ai déjà zébré. Tu me verras, mon jaillet. Ah ouais? Ma clique, mais jamais sautise. Vous rivalise, vous dévalise. Pendant que me guise, j'aime le mythe. Je veux être vendu, resting this. Married monster, resting this. Tellement, tellement clair. Aucune terre. Laisse-nous faire, ce morceau c'est juste la l'air. Comment vous dire? On arrive en dessous. Putain, les gars, je vais pas vous faire un dessin. En fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais, c'est vrai qu'on me dessous. J'ai pas le genre de mec posé au bar. J'ai pas besoin de voir là-bas. On t'a dit que l'inspire, viens de me dar. Basket, vortex, net, je veux pas. Make you what I know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je l'avais dit, en fin d'année, vous allez vous chier dessus. Je vais me poser où la jambe baillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Vous racontez ma life. 3, 2, 1, go. Make you wanna know tonight. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai plus le time de me poser où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sale. Chouette, mon roux. Ouais, les mecs, restez du nord. Ouais, je vous ai tout là. Je vous attends, mon frère. Je vais pas faire du sale. Make you what I know, Young Slow du nanana. On va commencer par faire du sale. On va commencer par faire du sale. On va commencer par faire du sale. Bejik et Young Slow. Ouais. Tu vas en voir de toutes les couleurs. Mary Monster. Make you what I know tonight. Je n'ai pas changé de toi, tu te rappelles, il faisait chaud ce jour-là en clip. Hein. Posé où la jambe aille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans Aria, classe S, jet privé. Je vais raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you what I know tonight. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time. J'ai posé où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis prêt dans un ennui. Je vous raconter ma life en commençant par faire du sale. Les Marine Monsters avec nous toute la semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. Exactement, c'est ça. Excuse-moi Yanso, je crois que tu as une note qui vient d'arriver exprès devant toi. Et alors, a priori, c'est urgent parce que j'ai vu Aria, qui est le patron du label Games, taper sur le la note en disant doigt. N'oubliez pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Raconte. On organise un grand concours, encore une fois. Après le premier qu'on avait fait il y a pas mal de temps maintenant. Alors, le concours. Alors concours Marine l'album, Monster. L'album, yes, vous savez, l'album est en précommande depuis le 20 octobre. D'accord. C'est vrai. Il reste une semaine de préco et pour cette dernière semaine de préco, on a voulu vraiment faire les choses en grand. Tous ceux qui téléchargent l'album en précommande, ils font une capture d'écran. Ouais. Et cette capture d'écran, ils la tweetent avec le hashtag Marine Monster en Panamera. D'accord. Vous comprenez jusqu'ici? Voilà. Okay. Pour l'instant, on comprend. Alors, pour l'instant, on comprend. On va tirer quelqu'un au sort. On va tirer quelqu'un au sort le vendredi à la fin du Planet Rap. Yes. Mm-hmm. Et cette personne-là, on vient la chercher devant le jeudi 5 novembre, devant son lycée ou son collège, en Panamera. On vient les Vous faites pas les choses à moitié. On vient chercher la personne en Panamera. On l'embarque. On l'embarque dans notre vaisseau. C'est quelqu'un qui habite en Corse. On y va quand même. On y va quand même. Par exemple, n'importe où. On sort les ailes. T'inquiète pas, la compagnie monstrueuse a assez d'argent pour mettre de l'essence. T'inquiète pas. Et maintenant, faire différents trajets quoi. Ouais, exactement. Le jeudi 6, pardon, je me suis trompé, c'était le jeudi 6 octobre, 6 novembre, en Panamera, direction la boutique Vortex, où on rhabille la personne de la tête aux pieds. Ah non, mais là, les gars. Vous avez compris ou pas? Hashtag Marine Monster en Panamera. Non seulement vous récupérez la personne. Vous récupérez la personne en bas de chez lui ou du bahut, n'importe exactement, où. Exactement. En Panamera. En Panamera. Direction la boutique est à côté de la radio d'ailleurs. C'est la radio, juste là. 9 rue Tiquetonne. Voilà, juste à côté de la radio. 75001. Voilà. Et alors vraiment, la personne peut prendre ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, après elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle en Panamera. Ou en métro. Non, ça se fait pas, ça se fait en Panamera quand même. Bah, bien sûr, Panamera. Donc aller-retour Panamera. Aller-retour voilà. Panamera. Allez-y, gros concours, faut se lâcher. Et c'est là. Toute la France, hein. C'est toute la France. C'est pas refermé à l'île de France ou quoi. Ouais, non, c'est toute la France. Et bah, allez-y, toute donc, la France. Allez acheter, précommander l'album tout de suite. Capture d'écran. Et avec le hashtag tweet hashtag Marine Monster en Panamera à vous. Allez-y. Vendredi on aura le gagnant. Vendredi soir. Parfait. Vendredi qu'on aura le gagnant. Et bah allez-y, allez cliquer, allez acheter l'album Marine Monster qui sort lundi en précommande. Vous avez toute cette semaine, vous pouvez m'envoyer les photos ici sur le Skyrock FM. Vous pouvez envoyer dans le chat, vous pouvez balancer via votre appli Skyrock, on mettra tout ça, on vous le sortira sur papier, vous pourrez faire un tirage au sort, on fera tout ça vendredi dans l'émission. À pas louper sur Skyrock. On va faire un petit jeu, un petit vu sur le net, vrai ou faux. Il suffit de me répondre parce qu'il y a pas mal de conneries. Vous êtes d'accord sur le net? Okay. Il y a des choses vraies aussi, mais il y a aussi pas mal de conneries. Ouais. Donc, vu sur le net, par exemple, la première question, il paraît qu'il y a un featuring avec Snoop Dogg. Faux. Faux, mais peut-être. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On l'a annoncé. On nous a cramé. Marine Monster featuring Snoop Dogg. Alors, explication. Alors, explication, Aria. Non, grosso modo, c'est un titre. Il n'y a pas que Snoop en fait dedans. D'accord. On va pas annoncer. Il y a qui la troisième personne, c'est qui? Mais une troisième personne dans Snoop. Mais on trouvera sur l'album. On trouvera sur l'album, pas tout de suite. Il sera enchaîné sur l'album. Comment on l'a fait au dernier moment, on a pas pu le mettre. Mais on le mettra sur la suite. Donc il y a une rencontre musicale avec Snoop Dogg. On est allé à Londres. Direction Londres. Enregistré. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait des snaps, des tweets. On était à Londres en mode PSG. Pour les fans, qui savent très bien. Et en fait, c'était pour bosser. On était parti bosser avec Snoop Dogg. D'ici 10 jours, vous serez la troisième personne. Ah, parce qu'il y a aussi un troisième larron sur l'affaire. C'est un tube, je te l'annonce, c'est un tube. Et ça peut être qu'un tube de toute façon. Mais c'est un tube. Bon. Ça va, c'est un son qui va casser la tête tellement il passe en radio. Donc ça, c'est un truc qu'on a vu sur le net, mais qui est vrai. Exactement. Deuxième chose que l'on a vu sur le net, vous avez déclaré que vous alliez vendre plus que Maître Gims. C'est vrai aussi. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Bon, pourquoi c'est faux? En même temps. C'est vrai. Ouais, en même temps. Avec alors. Le time. En vrai, on sait pas. Et est-ce que d'ailleurs ça donne une pression? Parce que c'est vrai que c'est Gims qui vous a signé. Toi, t'es le frangin de Gims aussi, ouais, on voilà, l'a dit. Ouais. Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'il y a une pression particulière, où il vous laisse tranquille là-dessus en disant, voilà, faites votre truc. Il nous laisse tranquille. On est vraiment pro, si je puis dire, et autonome, mais il nous laisse faire vraiment. Et même, tu sais, dans son attitude à lui, comment il est de tous les jours, c'est pas quelqu'un qui va matraquer la personne. C'est ça, exactement. Tu fais ta vie, fais ta vie, tu vois. Toi d'ailleurs, comment t'as suivi l'évolution d'ailleurs de Gims avec un coup la section d'assaut? Ouais, moi j'ai suivi le grand frère, tu vois. Bah oui, le grand frère, ouais. Avec, et même le grand frère, il y a aussi des autres grands frères, tu vois. Bah, vous êtes nombreux, dans la famille. Sati Djelas, tu vois. Bien sûr. Il y a tout le monde qui est là, Sati Djelas. C'est à la base des Juna, tu vois. Sati qui va nous dire un petit mot, là. Ouais, fille. X-Gangs Monomai. Non, mais c'est vrai que famille de musiciens, famille talentueuse. Lui c'est le grand, lui, tu vois, lui c'est X-Gangs Monomai. On le connaît, on connaît l'animal. Le clone. Est-ce que c'est un clone ce soir? Ah oui, c'est vrai, parce que le gars est toujours dans les trucs de clone. Toujours à droite à gauche. Est-ce que c'est un clone ce soir? Alors, est-ce que c'est le vrai X-Gangs? Est-ce que c'est le clone? Est-ce que tu l'as fait le... Ah, malheureusement c'est le clone. Ouais, le vrai n'a pas pu se déplacer. C'est quel clone? Il est en plein entraînement. C'est pour ça qu'il m'avait à peine reconnu en arrivant, en fait. Tu dis, c'est lui. Mais c'est très bien que vous me posiez la question. Confirmation, c'est le clone. Et puis c'est vrai qu'on peut saluer aussi Dadju qui est là, hein, Dadju de Shinsekai, bravo. Shinsekai qu'on peut applaudir puisqu'ils ont remporté une victoire. Ouais, ça remporte des awards déjà. Pour le, c'est quoi, meilleur groupe? Ouais, mais là c'est bien, hein, dit, c'était de pas l'année. De l'or, mais bon, c'est bien. Oh, oh, ah. Voilà. Obligé, non, mais j'étais obligé. C'est le premier jour de Planet Rap de Marine Monster. Je suis ça depuis début. Moi, je suis comme vous. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que je peux participer au jeu aussi? Tu fais un tour en Panamera? Moyen, ouais. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que vous êtes habillé la tête aux pieds? Ouais, franchement, ça m'arrange. Surtout, on m'emmène faire un tour en Panamera. Ça me ferait plaisir. Donc, je vais participer. Il faut aller acheter l'album et tu nous envoies ça. Ouais, je vais le précommander, le truc. Là. Très bien. J'ai fait la capture d'écran. Je vais l'envoyer tout de suite. Donc, Dadju qui est là, X-Gangs avec nous. On en était dans nos vrais faux vues sur le net. C'était la troisième question. Oui, la quatrième. La quatrième, Marine Monster est un groupe à la base composé par 4 membres. C'est faux. Ah, ça c'est faux. C'est faux. Ça c'est faux, c'était un truc qu'il y avait sur le net. C'est totalement faux. C'est qui le quatrième? C'était, je crois, Amalia et Didier Laswan. Mmh. Non, c'est faux. Non, ça c'est des. Il y en a un qui est licencié déjà dedans. Ça c'est les rumeurs, c'est les rumeurs du net. Les rumeurs, exactement. Voilà. Et ben voilà, on a fini notre petit tour vu sur le net, vrai ou faux, avec Marine Monster. On va peut-être mettre un morceau maintenant, messieurs. Qu'est-ce qu'on met de l'album? Alors, là, on met un choix crucial. On met Jean Caisse, qui est le deuxième extrait de l'album. Premier réel extrait de ce projet-là. Un gros son, un gros clip, un petit souvenir de l'enregistrement particulier, un petit. La façon dont il a été écrit. Moi, en fait, on sortait d'une nuit blanche avec Henslow et Latif, qui est juste là, notre beatmaker sûr. Et moi, en fait, j'étais fatigué, je suis allé dormir, j'étais chez Henslow. Hein. Je suis parti dormir et tout dans son lit et tout, culotté. Et à mon réveil, j'entends une mélodie, tu vois. J'entends la mélodie de l'instru, j'encaisse, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? On est en train de faire une mélodie, je sais pas, il y a Latif toujours en train de pianoter sur son piano. On concoctait du sale. Et le lendemain, je me lève, l'instru, elle était finie. Ah, tu as redormi après, en fait. Ouais, j'ai redormi direct, je me suis levé vite, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas compris, en fait. Tu t'es recouché, t'as redormi. J'ai entendu du violon, tout, je dis, ça, ouais. Ça te plaît. C'est ça me plaît. Il a été fait à la maison, l'album? À la maison. Enfin, pas tout. Non, pas les tout, compositions, ouais, mais... plus, ouais. Les compositions, ouais, de... Ah non, quand même. Les prods de studio. Ah ouais, ça, regarde, le producteur, tu vois tout de suite. Ça a coûté cher, quand même. Bon, allez, on écoute ce morceau, Jean Caisse sur Skyrock, c'est Marine Monster, et ça sort lundi 3 novembre dans les bacs. Yeah. Pour tous les gens qu'on caisse. Jean Caisse, j'aimerais que les gens se testent, mais qu'est-ce que tu me testes, façon refresh. Y'en a du but. Quoi faire, ça m'intéresse, je suis Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. 9ème zone city. Hello la famille remplie d'hypocrisie. Oui, tu sais que ça va chez ma riche, bien que tu vas criser. T'es pas le mec qui est crazy, tu bégayes rien que ça grésille. Ça jette sur moi sans arrêt comme l'Algérie au Brésil. Moi j'ai cool, là ça devient physique. Yeah, vous seriez prêt à tuer pour de la musique. Contrer leur Sharingan n'est pas easy. J'aiguise mon flow, ma vague à ma souple à prise. Des m'écoutez pas, je suis taré. Je suis taré. Je sais faire comme Alimba. Achille. Un jour ou l'autre, je vais me battre. Mes prières soient validées. M'écoutez pas, je suis taré. Je veux faire comme Alimba. Un jour ou l'autre, je vais me battre. Mes prières soient validées. J'en teste, que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire ça, ma Et un natif en fait, t'es fort, hein. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Dans ton reflet, je suis le test. Donc laisse-moi faire. Là, c'était marrant, on rentre dans les verres. Posé au camito chez moi devant mon petit plasma. J'entends des conneries tous les jours passer à côté de moi. À seul tu vois de quoi je parle, je veux pas t'en faire un schéma. Je sens que je vais te faire des chalons si jamais ça schéma. 2014 que des focus, je suis au bord de la trauma. Mais que se passera-t-il le jour où je roulerai en Panamera? J'ai le dos tourné et tu me checkeras dessus comme à la main. Je dis la vérité, je dis pas ça que pour faire de la mala. Je m'incrustais dans des ambiances, on me disait que fais-tu là. Et que maintenant je manque de rien, j'habite même dans une villa. Que j'aurais pris la grosse tête depuis que je suis dans Sublimina. J'entends même tous les jours, est-ce que t'as cérébé là? Même plus sur un bon vieux matelas. S'il y a une grosse équipe qui descend, les gars, montez là. On reproche même des trucs à neuf. Un disque d'or, un peu d'argent et puis le monde est là. J'enteste, j'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté. Karim Vortex. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le test. Donc laisse-moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté. Amox. Mais merde, je compatis. Bande de bluffeurs, vous et moi, on n'est pas compatis. Je marche avec 2-3 refs et Harry ne parle pas de ma team. De belle MCG, j'ai été sélectionné par Palpatine. Tu crois fusé, mais tu pâtis. Pendant que j'accélère sans cesse, on s'en tapine. Une tapine et le son de cesse. De coulée, me lécher les boîtes, maintenant tu t'empresses. Enculé, tu voulais me douiller, maintenant t'enquêtes. Ton allié, pas le temps de péflo, je veux plus de zéro. Sur papier, je veux voir mon logo sur le Figaro. Détaillé, faire une bonne promo et pas couler sous l'eau. Bataillé, flow et puis pratique. Le con. Je fais plus de zéro. Je veux voir mon logo sur le Figaro. Oui. Amino Déon. Aïe. Pratique. Vas-y, petit. J'encaisse. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon rentrée, je suis le best. Laisse-moi faire. Ça m'intéresse. J'aimerais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon rentrée, je suis le best. Donc laisse-moi faire. Ça m'intéresse. Déjà. C'est vrai que les gens se testent. Oui. Qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le best. Donc laisse-moi faire. Ça m'intéresse. Le 3 novembre dans les bacs. Le 3 novembre dans les bacs. Hey, que le 3 novembre dans les bacs. Tu me testes. Niggas, le 3 novembre dans les bacs. Moi, niggas, ça le 3 novembre dans les bacs. Niggas, le 3 novembre dans les bacs. À l'instant, j'encaisse. C'est extrait d'album qui sort donc le 3 novembre dans les bacs. C'est une compris, le 3 novembre dans les bacs. Voilà, 3 novembre dans les bacs. Fred. J'ai bien compris que c'est le 3 novembre dans les bacs. C'est quand le 3 novembre dans les bacs. Et que peut-être moi aussi j'aurai le droit à mon tour en Panamera puisque je vais acheter l'album. Là, tout de suite, je vais faire une capture d'écran. Le 3 novembre. Je fais la capture Belek, même moi j'en ai fait 3-4 des captures. Je suis très dust là. Je veux mon tour. Je vous rappelle que cette semaine, vous avez la semaine entière pour jusqu'à vendredi, entre 20h et 21h, vous avez jusqu'à la fin de semaine pour précommander l'album, faire une capture d'écran, l'envoyer avec le hashtag Marine Monster. Comme Yann Slo a bien expliqué. En Panamera. Marine Monster en Panamera. Hashtag. Vendredi, tirage au sort dans l'émission. Tour en Panamera. Aller-retour. Rhabillé dans la boutique de Vortex. Exactement. Je crois qu'on est bien là. C'est parfait, Fred. Tu as bien retenu. Bien, j'ai bien retenu. Bon, c'est assez simple en même temps. C'est simple. C'est le morceau s'appelle J'encaisse. C'est ce qu'on écoute à l'instant. C'est extrait de l'album qui sort donc lundi avec Marine Monster à découvrir toute la semaine entre 20 et 21. Voilà. Venez. Et on va vous faire découvrir les bails. Et on fera du live aussi tout à l'heure. Vous nous ferez un petit peu de live, les gars. On va faire du live. On va faire J'allume ce soir. On va faire J'allume en live. J'allume la mèche. J'allume la mèche qui est le nouvel extrait de l'album de Marine Monster. Qui tourne en pleine patate sur Skyrock Radio. Parfait, c'est ce qu'on écoutera dans un instant sur Skyrock. Ne bougez pas, le retour du son, le retour des Marine Monsters, c'est dans quelques minutes. Vos messages 41759 avec le hashtag Marine Monsters, ça arrive dans le studio et puis on peut suivre l'émission en vidéo aussi. C'est sur le Skyrock FM, on revient. Le 3 novembre dans les bacs. Il y aura Bobby Schmurda aussi à écouter. T'enregistres ? Skyrock et c'est le Planet Rap avec Marine Monster et le morceau à l'instant de Bobby Schmurda et son titre Hot Nigga. Ah, gros son. Ouais, j'ai vu que vous maîtrisiez la danse déjà aussi. Non, c'est Dadju ça. Ouais, Dadju il est pas mal fort pour ce genre de conneries. J'ai le truc. Ah, t'as le truc. La Schmurda Dance. Tu peux la poster, hein, y en a plein sur le net aussi. Hein. Non, moi je poste que Marine Monster en Panamera. En Panamera, il y a que ça que tu postes. Ah, il y a que ça que je poste. Et on va rappeler aussi, parce que là je viens de l'apprendre quand même, c'est que la sortie de l'album c'est évidemment lundi. Et pour ceux qui aiment le support physique, l'album, il y a quand même un coffret collector. Ouais, exactement. Un coffret avec un t-shirt Vortex offert. Alors le coffret, c'est une exclue Leclerc. Donc uniquement dans les magasins Leclerc. C'est uniquement dans les magasins Leclerc. Alors c'est un CD, un album et un t-shirt Vortex pour moins de 20 euros. Et bah très bien. Yes. Voilà. C'est donc ceux qui aiment bien l'objet, ceux qui aiment bien avoir l'objet. Ouais, voilà, ceux qui veulent vraiment supporter vraiment, tu vois. Et il y aura aussi une séance dédicace le mercredi de la sortie, c'est-à-dire le mercredi 5 novembre à partir de 15h. À la boutique Vortex, 9 rue Tiqueton, 75001. Et il y aura aussi des coffrets disponibles pour la séance dédicace. Donc voilà. Allez faire un tour pour retrouver justement les Marine Monsters, c'est la semaine prochaine. Et eux peuvent venir vous chercher en bas de chez vous, à la maison. Exactement. Et attention, pas avec un scooter. Hein, en bas de Marine Monster, en Panamera. Ou en bas de chez moi, Il faut aller précommander l'album, envoyer la capture d'écran avec l'hashtag Marine Monster en Panamera sur Skyrock dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau, messieurs, de votre album ? Marine Monster ? Ouais, on met Panamera. On envoie Panamera, excusez-moi. Ah, vous voulez qu'on envoie Panamera ? Marine Monster avant, j'aimerais. Marine Monster. Et ça, c'est dans un instant, juste avant, il y a le freestyle par téléphone avec Cordier du 7-6. Salut Cordier. Salut. Ça va bien, Cordier ? Ouais, ça va et toi ? Est-ce que tu connais les Marine Monster ? Ouais, je connais, ouais, j'écoute souvent, ouais. Et ben voilà, ils sont là, ils sortent leur album lundi. Salut à toi. Ouais. Et toi, tu viens rapper dans l'émission, Cordier, c'est parti ? Ouais, c'est ça, ouais. Allez, session freestyle par téléphone, on y va. Ok. Wouh ! Oh. Yeah. À toi. Ok. Toute la confiance, je l'ai déclarée. Je tourne en rond à force de faire des choses carrées. Je compte me barrer sans abandon. Opérationnel depuis que je suis dans les couilles du daron. Je suis trop parolé, mec. Y'a que dans la tique du dynamique. Je mets à terre tout appli comme un voyou face à un flic. Je pose devant ma chicha et ma taille d'orangina. Bien sûr, j'assume le même. Y'a que mon rap qui est original. Bref, tout ça pour dire qu'on a qu'une vie. J'en profite. Je suis impatient de voir comment c'est passé la suite. Je croise les doigts, même les meufs croisent les jambes pour moi, gros. Je perds pas de temps sinon l'argent est en moi. Pensant de toi. Quand je pense en de mon destin, quitte à percer, rien à foutre, je reste en distance. Yeah. J'écoute tout le monde, j'ai un fond de personne. Quoi qu'il arrive, y'a Pousni qui m'impressionne. Et m'isolâtre, y'a le moutre. Et aujourd'hui, j'ai le sourire. Trop de potes, tu la confiance, trop de confiance, fais souffrir. J'investis à fond avant que le freestyle. Je souhaite la mort à personne, je pose en paix en freestyle. Ah. Yeah. Bah, terrible Cordier. Du lourd. Parfait. Merci. Dans le 7-6, tu as une petite dédicace, on peut te retrouver sur le net aussi. Ouais, j'ai une dédicace à Tout Fécond, à Charlie, Lerka, Ulrich, Samuel Chiwa et Tim. Très bien, on peut te suivre sur le net, on peut te retrouver aussi si. Ouais, jamais... sur ma page Facebook Cordier, sur Twitter Cordier Officiel et Instagram Cordier Officiel aussi. Cordier Officiel pour aller cliquer et te retrouver sur le net. Merci à toi Cordier. Ciao. Merci. Passe une bonne soirée, on est avec les Marine Monster toute la semaine entre 20 et 21. On va en profiter qu'Yann Slow écoute pas Belgique. Ouais, t'inquiète. Donne ses qualités et ses défauts. On va faire les qualités et défauts de chacun. Ouais, je suis là, je t'écoute moi. Donc qualités et défauts de Yann Slow. Vas-y. Qualité, allez. Il chante très bien. Ouais. Ouais. Merci. Et le défaut. Il est bien. Et le défaut, je sais pas, moi, il a pas comme défaut. Il chante trop bien. Hein ? Il chante trop bien. Ah ouais, voilà, il chante trop bien. C'est des mythos. Yann Slow, toi, le défaut, j'ai compris, il dort trop. Toujours en retard. C'est vrai ? Ouais. Toujours en retard. Ah, il dort trop, mais jamais la nuit. Ouais, exactement. Jamais la nuit. Jamais Bryson. La nuit. Bryson. Yeah. Et la qualité, la grande qualité. La qualité, quand il rappe, il découpe. Aïe. Et c'est pas pour de faux. Aïe. Voilà, c'est un monstre. Un monstre marin. Un monstre marin. Ça tombe bien. Est-ce qu'on peut nous présenter la personne qui vient de s'installer au micro et qui est intervenue pendant ses qualités et ses défauts ? Voilà, c'est un dolly en fait. C'est un dolly. Price M, niggas, c'est Price aussi un compositeur de notre. Il est sur l'album. Il est sur l'album titres. En fait, il a composé deux titres. Il a composé l'intro Charib Dessila et le son No Stress. Exactement. C'est lui à la prod, c'est lui qui a fait l'instru. Et bah bienvenue alors, bien de travailler avec les Marine Monster. Ouais, ça va, c'était super sympa, c'était plutôt familial. Il a kiffé, ils ont kiffé travailler avec moi, faut le dire. C'est ça aussi. Non, vraiment. Mais c'était plus que de la composition avec eux, c'était vraiment une vraie collaboration artistique en fait. C'était vraiment plus loin que la prod en fait. Bon, vous êtes content de ces deux prods qu'il a signé sur l'album ? Bien sûr. Gros, c'est des gros titres. On l'aurait viré sinon. Ouais, on l'aurait pas mis sinon. Bah alors, on va pas écouter un morceau que tu as produit, on va écouter le titre maintenant qui s'appelle Marine Monster justement. Yes. Il y a la Tif encore sur la prod. Toujours il y a la Tif. Et bon, on balance. C'est extrait de l'album qui sort lundi 3 novembre dans les bacs. Marine Monster sur Skyrock en exclu. Paris Morphose, 9e zoo. Merry Monster, Merry Merry Monster. Yeah. Merry Monster, Merry Merry Monster. Le 3 novembre. Merry Monster, Merry Merry Monster. Le 3 novembre. Merry Monster, Merry Merry Monster. Le temps presse, bientôt je me barre dans l'espace. Je laisse l'MC et tous mes followers en extase. Je pète la forme sans avoir pris ni coke ni extra. On pouvait que ça vient violent comme ça pour qu'à part son extase. Bonjour, qu'est-ce que ça l'a sué les dans mon espace. N'est-ce pas, dans le sens, c'est toujours là-bas quand j'espère. Jacques te mec, c'est ça. T'empêche la défaite, c'est comme un traite dans un sous-sol. Bon qu'à faire des messes basses. Every Monster, on vient sous sous. Et à peine arrivé, vous paniquez. Sous sous. L'apparence calmée, complètement toqué. Tous vos plafonds sont jalisés. Prends pas ma démesure pour de la mégalo. Aujourd'hui tu crées un buzz avec un nom mais allô. Merry Monster Corporation, on gère les bails pour vous étaler. Autant vous dire que le game est tombé à l'eau. Oui, je suis un monstre, j'en ai pas l'air. Zito la belle paille garée, l'embrobie dans la balai. La balle pas tout, tout difficile, c'est plein de pistes. La rue, tu me vois, tu ne me vois plus. En verre, mon sang disparu. Il nous a toujours fait saluer. Pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Pour vous êtes mal du balai. On vous a mouru comme everybody. Le 3 novembre dans les bains. Le 3 novembre dans les bains. Le 3 novembre dans les bains. Je n'ai pas changé d'adresse, un peu mis si tu me veux. Brancineur, tu te manges des coups ou tu bicras, c'est comme tu veux. Malheureusement, tu n'as pas fait les choses, mais maintenant passe aux aveux. Montre ma corporation, coup de feu, fais un vœu. Ramène-moi n'importe qui, frérot, je vais tous les aligner. J'ai été trompé par des boîtes que je comptais comme alliés. Leur le manque de soi, il serait bientôt de les voir s'habiller. Le temps passe, le temps presse, maintenant pas compliqué, il faut que je perce. Oui, je vois déjà un stop, j'ai ma crainte. Projet tout sur moi, faut que ça brille. J'entends sur moi beaucoup trop de bruit. Oh oui. Tu vises le viseau vis-à-vis des gens, le vis et vis, la vas-y, démon dans le vaisseau. C'est le changement d'horaire, fusion de monde à me poursuivre dans la fusée, afro-visière, cheveux visés, fuck les beaters, physio, physique, easy, use, cousine, musique, misère. Oui, je suis un monstre, revenu des temps, je m'ennuie, mais là, sincèrement, ça met trop de temps. Je m'en suis rendu compte à force de grincer des dents. Là, j'opère dans le vortex, double MC Clan. Ils nous ont toujours fait saluer, pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Cette main du balai, nous avons ouvert, everybody. Marine Monster, le 3 novembre dans les packs. Hashtag Marine Monster en Panamera. Yeah. Wesh la G, c'est comment? Le 3 novembre, 3 novembre, 3 novembre, 3 novembre dans les packs. Mesdames et messieurs, Aïe Boucher, croyez au record. Ah, Olive Vinox. Ouba du 9. C'est le 9. Amadou. Le morceau s'appelle Marine Monster. Ils sont avec nous toute la semaine entre 20 et 21. C'est Yann Slow du 9. Belgic avec nous. C'est ça. Entre 20h et 21h à découvrir cet album qui sort le lundi 3 novembre. On t'entend plus, Belgic, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas. Ouais, c'est voilà, bon, on m'entend là. Ouais. N'oubliez pas le hashtag Marine Monster en Panamera et on vient vous chercher en Panamera. On vous amène à la boutique Vortex. Alors j'espère que c'est pas vous qui conduisez parce que on m'a expliqué un retour de Londres assez mouvementé. En fait. Ah ouais. Ça c'était justement ça, après le featuring avec Snoop. Ça c'est le, exactement. Ça c'est après qu'on est posé avec Snoop Dogg et tout, on rentre. Et il s'est passé une dinguerie. Une dinguerie. En plus, c'est moi qui a mangé le truc, hein, tu vois. C'est moi qui a grillé, tu vois. C'était toi qui pilotais. Ouais, non, c'est moi qui a. Okay. C'est de son côté ou quoi? Ouais, il dormait sur le. Je dormais, comme encore une fois, tu vois, je dormais. Boum, je me réveille. Le mec dort tout le temps, quoi. Ouais, truc non, il s'est passé une dinguerie, genre là, mais bon, vas-y. Bon, en même temps, vous êtes étonnant, vous êtes en vie. Non, c'est vrai que c'est un accident, mais j'aurais pu très mal tourner parce que vous êtes parti en vrille. Sur l'autoroute. La voiture, elle a fait des tonneaux. Yannso, c'est pas toi qui pilotais non plus. C'est pas moi qui pilotais. D'accord. Mais bon, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons fait le pet. C'est une personne qui nous est rentrée dedans, mais grâce à Dieu. Bon, écoute, voilà, vous êtes c'est le plus important. Ouais. Et une fois de plus, soyez prudents sur la route, même en Panamera. Hein. Même en Panamera, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, quand ils iront vous chercher, tout se passera bien. Mettez vos motherfucking ceintures. Merde. Et pour partir en Panamera avec les Marine Monster, c'est simple, faut précommander l'album, envoyez la photo avec le hashtag. Avec le hashtag Marine Monster en Panamera. Capture d'écran, vous envoyez tout ça. Avant de passer au live, est-ce qu'on mettrait pas d'ailleurs justement le morceau Panamera? Justement, le morceau Panamera, pour que les gens comprennent pourquoi on parle de Panamera depuis tout à l'heure. Bon, Panamera, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est une voiture évidemment. C'est une voiture de luxe. Panamera, évidemment. Une voiture que. Alors c'est vrai que c'est un grand fantasme dans le rap. On parle beaucoup de Panamera dans le rap. C'est vrai. C'est une voiture qui revient souvent en ce moment. Mais là pour. Comment d'ailleurs vous expliquez ça d'ailleurs? Pourquoi d'ailleurs? C'est une des mieux foutues. Moi je suis pas très caisse, hein. Je vous dis ça, je vous demande parce que je. Ouais, c'est toutes les voitures de luxe, c'est pas seulement Panamera, Cayenne, tout ça. Ça parle toujours de grosses voitures, de grosses berlines, d'argent sale. Bon, disons, voilà. d'argent salace. Disons que c'est une voiture très recherchée actuellement, très très bien finie aussi. Exactement. C'est pas à l'image du titre. Vraiment, le son n'est pas vraiment à l'image du titre. Ça veut dire que c'est un son. Si tu m'as vu rouler en Panamera. Ouais, c'est tout. C'est ça en fait. Ne jette pas l'œil en fait. Voilà. Ça veut dire on est là, on sort de la rue. Mais si un jour ça nous arrivera, forcément un jour où ça nous arriverait, bah si on roule un jour en Panamera, tu vois, ne nous jette pas l'œil. C'est une réussite. Voilà, c'est une réussite, tu vois, ça veut dire ça en fait. On est là, on a mangé ensemble, tu vois. C'est pas parce que je roule en grosse caisse que tu vas me jeter l'œil ou que tu vas me. Tu vois. C'est ça en fait. C'est ça le fond du son. C'est ça le fond du son en fait. C'est pas un son, voilà. C'est pas un son juste pour dire, ouais, je roule en Panamera, ça veut dire. C'est pas un ego trip, genre je me balade en Panamera. Ego trip, mais bien profond, tu vois, il y a un message dedans. Et bon, on l'écoute maintenant. C'est et parti. Vous réagissez avec le hashtag Marine Monster Marine sur Skyrock. Marine Monster en Panamera, yes. Y'a la Tif à la prod. Écoute seulement. C'est le soleil qui tape à la tête, arrête de prendre mes degrés. Si je décide de faire du bien, ça sera seulement de mon plein gré. Je passe à la télé tous les jours, la vérité, je n'étais pas prêt. Si ça pète, t'inquiète pas frérot, je déménage la semaine d'après. La vie c'est dur, obligé de bicrave dans le bâtiment. Ça veut gratter du buzz. Comment puis-je oublier tous ces bons moments? Rends-toi une capote dans l'oreille car moi je baise auditivement. Je suis le plus gros démenteur au commissariat, je dis pas la vérité. Si vous avez un doute, je m'en bats la race, vous avez qu'à vérifier. Pas encore le permis, toujours à pied au métro Le Peltier. Je veux une revanche sur ma vie, comme ça je serai sans pitié. Le canon va te scier même si t'as le corps d'un arbre. Mon meilleur pote peut se cagouler, venir braquer dans ton appart. J'avance encore plus vite avec tes commentaires blessants. C'est pas parce que je me livre que t'arriveras à lire ce que je ressens. Tu m'as vu rouler en Panamera. Pour le reste on verra. Je veux pas finir à Guantanamera. Je dois de vous l'avouer. Je veux m'en aller avant de tomber dans les flammes. Je veux m'en aller avant le dernier grain de sable. Yann Slow, Paris Centre, 9ème zone. Tu reconnais, hein? Hey. Je veux du réalisme, puis en toute humilité, je voudrais seulement quitter Paris. L'argent ne fait pas le bonheur, tu mérites que je te salisse. Je veux mettre la mi-face de l'air, je te revalise dans le talis. Chouffe la terre du milieu, dingue bar, sont curieux. T'es une ciao, ciao, ce que tu fais est périlleux. Non, t'es pas sérieux, fuck les procs, les dénieux. Dis pas de bêtises, c'est des outils, ferme ta chevaux, c'est mieux. Cousine, marche droit, tu ne te regarderai dans les yeux. Crois pas compétent plus, ton cas vu, t'atteindra les cieux. Tu n'es qu'une miche, tu voudrais ta part, mais flanc, c'est sûr. J'ai tout ce qui me valait, grâce à Dieu, y'a pas de fissure. Je t'avais prévenu, j'ai la dalle, tu vas mettre à chaque single. Laisse-moi encore un peu de temps, c'est perçu à deux fingers. Tu sais d'où ça vient, 9ème zone, ma jungle. Plus rien à vous prouver, point barque, jingle. Si tu m'as vu rouler en Panamera, la vie n'est qu'une love, ouais, pour le reste on verra. Je veux pas finir à Guantanamera. Je dois de vous l'avouer. Je veux m'en aller avant de tomber dans les flammes. Je veux m'en aller. Voilà, voilà, ville peinte. Ouais, ouais, ouais. Rien ne pourra t'épargner la gifle. Gifle. Proche de trop près, arrête, gifle. Gifle. Pays d'Anji nous fait kiffer ton bif. Et n'oublie pas tes reins, faut j'tard comme un rifle. Rifle. What's up? How with the money, ma mère, mais j'touche pas de grosses sommes. Pour qu'il fasse ça mal, quand t'as pas de l'eau, et t'as trop le seum. Tu veux t'en aller, tu veux t'en aller. Si tu m'as vu rouler en Panamera, la vie n'est qu'une love, ouais, pour le reste, on verra. J'veux pas finir à Guantanamera. Je me dois de vous l'avouer. Marine Monster avec nous toute la semaine entre 20 et 21 et donc ce morceau qui s'appelle Panamera. Panamera, hein, c'est une frappe hein. En exclu et ça sort le 3 novembre. Ouais, ça sort le 3 novembre, bordel. Loupez pas la sortie de Marine Monster sur Skyrock entre 20 et 21. On va aussi découvrir Marine Monster en live si vous êtes prêts maintenant. Ouais, c'est le nouveau titre. J'allume la mèche, ouais. J'allume la mèche. C'est un gros son, bien profond avec une histoire vraiment triste, tu vois. C'est un peu de la fiction, mais. C'est de la fiction, mais. Il y a eu une inspiration. Il y a eu de l'inspi, tu vois ce que je veux dire. Pour tout te dire, ce son, c'est une inspi de Dr. Berry. Dr. Berry. Ouais. Voilà. Voilà, le célèbre de l'Institut aussi. Célèbre. Ouais, salut. Voilà, le célèbre, voilà. Le génie. Et bon, on vous écoute maintenant. Yes. C'est parti. C'est parti. 3 novembre dans les bains. 3 novembre dans les bains. Yeah. j'allume, j'allume, j'allume la mer, j'allume, j'allume, j'allume la mer, j'allume, j'allume, j'allume la mer, j'allume, j'allume, j'allume la mer. J'suis au bord de la falaise, de la falaise, au bord de la falaise, de la falaise, au bord de la falaise, de la falaise, au bord. Un peu différent des autres depuis tout petit, je suis solo. On me prenait pour un fou, tout ce que je disais c'est vrai. Un sentiment de haine et d'incompréhension m'a follow. Je me suis juré qu'un jour me vengerais, j'y arriverai. Est-ce que t'aurais face à moi, son close toutes les portes. Paraît-il que je suis trop énervé. Un mec propose du tap, s'avance vers moi, puis m'aborde. C'est comme s'il m'avait observé. M'a proposé d'allumer des mèches. À la base, ça ne m'emballait pas des masses. En repensant une seconde à ses élèves, me traîne, il me tabasse. Décidé de me lancer, ça va barder. On m'a dit allume la mèche, loin de toi ça va péter. Coupe le champagne, diplôme encadré, suivi d'un tonnerre d'applaudissements, tout ça parce que j'allume la mèche. J'suis au bord de la falaise. Au bord de la falaise, la falaise. Au bord de la falaise, de la falaise. Au bord. Ça fait un moment que je suis dedans. Moi je trouve pas ça embêtant. Des mecs qui me donnent le sourire et savent que je prends pour un passe-temps. C'est vrai que je fais des horreurs, rien à foutre tant que je viens à l'heure. Je vais sauter des villages et des familles au bord de la peur. Et j'en passe. Égoïste, je le suis. Un mec sans cœur, pas déçu. Voilà ce que je suis devenu. Aujourd'hui je rentre tout le temps prévu. Un appel téléphonique m'a surpris. De suite compris l'imprévu. Une mauvaise nouvelle j'ai appris. C'est la merde dans mon village. Ça parle de décapitage. Je pars sans froid dans l'habitacle. À l'arrivée, pétage de câble. Je soulève des débris énormes. Des morts, ça fait des jouets de monde, des flammes forment le décor. Où est ma femme? Où est ma femme? Où est ma femme? Où est ma femme? Où est mon gosse? Où est mon gosse? Où est mon gosse? Où est mon gosse? C'est la fin. C'est la fin. Et tout ça parce que j'allume la mer. J'allume la mer. J'allume la mer. J'allume la mer. J'suis au bord de la falaise. De la falaise. Au bord de la falaise. De la falaise. Au bord de la falaise. De la falaise. Au bord. Marine Monster. Le 3 novembre dans les bacs. Marine Monster. J'allume la mèche, hein. Le 3 novembre dans les bacs. Ça fait 1. J'allume la mèche. J'allume la mèche. J'allume la mèche. J'allume la mèche. Marine Monster. À l'instant, en live. Yeah. J'allume là. On peut faire du bruit là pour les Marine Monster. Oui, parce qu'il y a du monde dans le studio. Du monde derrière. On est pas tout seul. Grand Sinor, on n'est pas tout seul. Grand Sinor, 9ème zone, tout le monde, connexion. Ça, tu connais. Voilà, ils sont là ce soir dans le studio avec nous. Puis vous aussi à l'écoute avec le hashtag Marine Monster sur Skyrock. Un petit mot donc sur celui-ci, j'allume donc Inspiration Dr. Bellis. Ouais, en fait. Toi, tu dormais. Ouais, non, ça doit être. Il dormait, c'est un mytho. Non. C'est quoi en fait c'est quoi? C'est un jour Dr. Bellis. Le son, il a rien à voir. Hein. Mm-hmm. Il sait pas que c'est la mélodie comme ça et tout. On était posé, il me dit ouais, Bédic, j'ai une inspi de ouf et tout, j'ai une histoire de ouf, un mec. Voilà, en fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire, en fait. Voilà, exactement. Et c'est une histoire que j'ai retenue dans ma tête depuis, ouais. Ça fait 2 ans, tu vois. Et un jour, je suis au studio, un mec, qui s'appelle Soriba et Hamou, c'est eux qui ont fait la prod. Ils m'ont fait écouter des instruits, c'est tombé sur celle-là et j'ai eu l'inspi dessus, j'allume la mèche, j'ai trouvé le refrain, tout. Bah, c'est un bon morceau en tout cas, celui-ci. C'est un bon morceau, merci. Ouais. Merci beaucoup. Et ben, on l'entend en plus avec vous, c'est un groupe complet puisque ça rappe, ça chante dans le groupe. Exactement. Et c'est à découvrir dès lundi 3 novembre dans les bacs et cette semaine aussi dans Planète Rap entre 20 et 21. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, maintenant c'est parti. Skyrock offre la première tournée de Black M dans toute la France. Et c'est Black M en tournée à choper dans la roulette avec Imad de Lille. Salut Imad. Salut. Ça va bien Imad? Je crois que je le connais. Tu le connais Imad de Lille? Je sais pas. On se connaît ou pas? Non. Tu connais Bédic des Marine Monster? Ah oui, il dit ouais, genre je te connais pour que tu me files plus de place. Bien joué Imad, bien tenté. Allez, on fait tourner la roulette dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok, y'a pas de soucis. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Il s'agit Imad. Et ben voilà, tournée de Black M. Deux places pour aller voir Black M en concert, en tournée dans toute la France avec Skyrock. Allez. Et ben c'est pour toi Imad. Ouais, merci. Et ben, on lâche une petite dédicace, non? Vas-y, bien sûr, vas-y, on t'écoute. Ouais, bah déjà, je lâche une dédicace à mon collègue Julien. Après, je lâche une dédicace aussi à Cricri, à Anafi, à Ahmed, Joséphine, etc. Enfin, tous ceux qui m'écoutent, là. Victor aussi, Roufou, Grand Roux. Et voilà, quoi. Eh ben terrible, merci à toi en tout cas. Allez, merci Imad. Passe une bonne soirée. Merci au Marine Monster pour cette première soirée dans Planète Rap. J'aimerais dire un petit mot avant. Vas-y, avant de se quitter, avant de retrouver la radio. Alors n'oubliez pas, l'album est en précommande depuis le 20 octobre. Allez-y, téléchargez l'album, capture d'écran, tweetez avec le hashtag Marine Monster en Panamera. On vient vous chercher, c'est pas des blagues. On fera tirage de sort vendredi, on suivra ça. Non mais c'est vrai, on va venir chercher le gars en Panamera devant chez lui. Voilà. En simple et on le remet. Aria Class S jet privé. Voilà. Direct. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Aïcha, spécial dédicace à Aïcha, Soso Def, Farah, Adia. Vas-y les gars. Eh ben merci à vous pour cette première soirée. L'album c'est lundi, merci à vous tous. Lundi 3 novembre dans les bacs. La semaine est longue. Il y a du gros son. Et il y aura encore d'autres invités. Merci à Dejou, à X-Gangs qui était là dans le coin ce soir. Aux producteurs qui sont venus aussi de l'album. Yes. Normal, avec nous. On est là. Juste une grosse dédicace à mon gars sûr, Nokové. Mon gars sûr, t'inquiète, on est là. My soldiers. Ça bouge et pas. On va se retrouver demain juste avant 20h sur Skyrock. Là, c'est l'heure de partir pour la radio libre de Difool. Ça va l'équipe? Et ouais, Fredo. Yes. Yeah. Ouais, on est là. Ouais. On est là. Planète Rap le retour demain et dans un instant, la radio libre. Restez bien dans le coin. On va démarrer l'émission avec un pervers. Une de nos auditrices est harcelée par un pervers et c'est pas bien. Absolument. Allez, on est de retour. Radio libre. Yes. Suite sur Skyrock. Planète Rap le retour demain. Ciao.